Le testament d'un poète, de Frivolité, de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Le testament d'un poète. Tout ici-bas est éphémère, tout fuit qu'on croit le mieux tenir. L'avenir est une chimère, puisque demain tout peut finir. Donc, agissant avec prudence, quoique jeune, ici, librement, sain de corps, et d'esprit je pense, je viens faire mon testament. À chacun suivant ma manière, je veux distribuer son lot. Libre à lui, s'il peut lui déplaire, de le jeter ensuite à l'eau. Mais je parle en millionnaire quand mes dettes s'en vont criant. Mon trop honnête légataire se ruinerait en les payant. Or, 4 pipes culottées, 2 porte-plumes, 1 rasoir, 500 rimes non éditées, je ne vois rien à mon avoir. Mes pipes, je les abandonne à mes 4 meilleurs amis, pensant à la main qui les donne, peut-être ils y verront du prix. Je lègue au nouveau locataire mes porte-plumes écornées, et mon rasoir à ma portière pour couper les poils de son nez. Mes vers, à mes amis encore, presque tous ils sont faits pour eux. Ils les diront devant l'amphore à la fin d'un souper joyeux. Pas un recoin que je ne sonde, et je ne vois rien au-delà. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Pourtant, à celle que j'adore, je puis le jour de mon trépas léguer quelque autre chose encore, mon cœur, qui ne m'appartient pas. Je veux qu'elle l'ouvre rêveuse pour voir ce qu'il contient d'amour, pour voir la douleur qui le creuse depuis si longtemps, nuit et jour. Je veux, témoin de mes alarmes, qu'elle y trouve gravé son nom, et dise en versant quelques larmes, « Il m'aimait bien, pauvre garçon. » Fin de « Le testament d'un poète », lu par Ezoie, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Temps passé, de Frivolité, de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Temps passé. Quand tu me demandais, sage et d'autant plus belle, si je t'aimais vraiment, je te trouvais cruel d'oser ainsi douter de mon fervent amour. Quand tu me demandais si cet amour fidèle saurait alimenter une flamme éternelle, je répondais « Toujours, toujours et sans retour !» Quand tu me demandais, après qu'à ma constance l'amour eût à la fin donné sa récompense, si c'était bien toujours la même passion, ne trouvant pas de mots pour rendre ma pensée, je te tins plein d'émoi contre mon cœur pressé, ma réponse mourut dans un baiser profond. Quand tu me demandais, après toute une année, si, grâce au temps, la plante était enracinée, je te répondis « oui », croyant te dire vrai, car je t'aimais encore plus qu'aucune autre femme, et j'éprouvais encore dans le fond de mon âme, en te voyant le soir, quelque trouble secret. Mais quand après 2 ans, belle dans ta faiblesse, pleurant pour m'attendrir, ô ma pauvre maîtresse, pour la dernière fois tu me dis « M'aimes-tu ? » Je te répondis « oui ». C'était par habitude, peut-être par pitié, mais non pas par étude, car ton regret survit dans mon cœur abattu. Fin de « Temps passé », lu par Ezoie, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. A.X. de Frivolité, de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. A.X. Ainsi donc c'en est fait, il faut que je t'oublie. En vain je supplierai, je pleurerais en vain. Tu vas le prononcer, le serment qui te lie, dire le oui fatal en engageant ta main. Ce soir, laissant le bal et sa gaieté bruyante, vous fuirez tous les deux vers le lit conjugal. Ses baisers te diront sa joie impatiente, et vous oublierez tout, et le monde, et le bal. Les conviés aussi vous oublieront sans doute au milieu des plaisirs d'un quadrille joyeux. L'orchestre ne veut pas que l'on s'arrête en route pour penser aux absents. Le temps est précieux. Mais moi, qui m'isolanté du bal et du monde, ne me sentirai point le cœur à la gaieté, moi qui me renfermant dans ma douleur profonde épirai ton bonheur d'un regard irrité, je ne t'oublierai point, et dans l'alcôve même, et jusqu'en vos baisers, je vous suivrai tous deux, et quand tu répondras à « Je t'aime, je t'aime », je penserai venger. Tu me le disais mieux. Fin de A.X. lu par Ezoie, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Conseil, de frivolité, de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Conseil. La vie est courte, ma chère. Demain, vous aurez 20 ans. Et belle, vous savez plaire. Pour vous, d'aimer, il est temps. Car en ce monde, tout passe, la jeunesse et la santé. Et l'amour fait volte-face sitôt qu'a fui la beauté. Votre teint est frais et rose, vos cheveux longs et soyeux. Sur votre lèvre se pose plus d'un désir amoureux. Mais quelque vilaine fièvre peut survenir un matin, et vous verriez votre lèvre blême ainsi que votre teint. Prévenez le temps farouche, aimez dans tout votre éclat, laissez baiser votre bouche avec tout son incarnat. La rose est vite fanée. Dans les bras d'un amoureux, joli et passionné, profitez des jours heureux. Fin de Conseil, lu par Ezoie, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Sur une morte, de frivolité, de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Sur une morte, sonnet. Grands yeux bleus, peau de satin, bouche aux souris toujours prête, elle chantait ce matin, vive comme une fauvette. Sans penser à son destin, elle chantait, la pauvrette, un air gentil et mutin de la dernière opérette. Ce soir, ses yeux sont fermés. Les refrains accoutumés ont fait place à la prière. Elle ne chantera plus, et nos discours superflus se heurtent contre la bière. Fin de Sur une morte, lu par Ezoie, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le vieux bohème, de frivolité, de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Le vieux bohème. J'en conviens avec vous, c'est beau la tempérance. Mais je suis un ivrogne, hélas, incorrigé. J'ai pourtant quelque droit à votre complaisance, car, je puis l'affirmer, jamais je n'ai changé. Quand tant de parvenus reniaient leurs principes et, pour mieux réussir, marmottaient des ave, moi, je buvais des bocs en culottant des pipes. Plaignez un malheureux tout à fait décavé. Si j'avais quelques sous, je courais boire encore, car l'abstinence est dure au gosier du viveur. Mais bon Dieu, pour calmer la soif qui me dévore, je n'ai que de l'eau claire, et l'eau me fait horreur. Vous qui vous réveillez parfois la gorge sèche, amis, que votre cœur ne soit pas inhumain, ayez pitié de moi dans mon affreuse dèche, et semez quelques bocs le long de mon chemin. S'il faut mourir de faim, eh bien donc que j'en meure. Philosophe avant tout, je me moque du sort. Mais au moins qu'on me voie ivre à ma dernière heure, de peur que ma vie ait à rougir de ma mort. Et sur mes vieux débris, sans portée de couronne, vous qui m'assisterez, défoncez un tonneau, chantez un bon refrain qui jusqu'à moi résonne, et je vous bénirai du fond de mon tombeau. Fin de Le vieux bohème, lu par Ezoie, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. À propos d'une loterie, de frivolité, de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. À propos d'une loterie. Je ne suis pas millionnaire, loin de là. J'ai des créanciers. 500 000 francs en bonne affaire, disais-je en prenant 3 billets. Car, sans être trop optimiste, il se peut que mon numéro sorte le premier sur la liste. Ah, si je gagnais le gros lot! D'abord, je solderai mes dettes. Mes créanciers, tout étonnés, acquittant mes notes complètes, contrôleraient les ordonnées. Puis, je voudrais à ma maîtresse faire un éblouissant cadeau, au moins digne d'une comtesse. Ah, si je gagnais le gros lot! À l'aveugle à voix glapissante qui tend la main au carrefour, à l'orphelin, la mendiante, je donnerais 2 sous par jour. Je soulagerais la misère, mais n'irai pas fort peu dévot grossir le denier de Saint-Pierre, même ayant gagné le gros lot. Avec mes amis en bombance, je passerai de gais instants, et les vins généreux de France alterneraient avec les chants. Oh, les bonnes et franches cuites nous prendrions tous, quel assaut de maux de tête et de pituites! Je n'ai pas gagné le gros lot. Fin de À propos d'une loterie, lu par Ezoie, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.

Ne sois pas cruelle. Ma dernière heure sonne. Mon arbre dépouillé me pleurera demain. Laisse-moi mourir là, sur mon reste de branche. Ne souffle pas ce soir. Déjà, vois, je me penche. » Et l'Aquilon la mêle au fumier du chemin. Fin de Vanitas, lu par Ezoa, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Confiance, de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Confiance. De tous côtés, je m'entends dire que dans mon amoureux délire, je ne vois pas autour de moi. Qu'avec une feinte tendresse, ma belle et perfide maîtresse, en me quittant, rit de ma foi. Viens sur mon cœur, ma bien-aimée, viens sur mon oreiller pâmé me jurer un constant amour, viens m'enivrer d'une caresse, que sur ta gorge de déesse je me repose jusqu'au jour. Mainte femme à l'esprit frivole, dont l'amour à tout vent s'envole sans même attendre le désir, sans but autre que l'inconstance, de châtier ton innocence déjà savoure le plaisir. Dis-moi bien que tu les méprises, je veux que tu me le redises, tes serments sont vrais, n'est-ce pas? Non, tu n'as pas l'âme traîtresse, et dans nos courts moments d'ivresse, tu ne ris pas entre mes bras. Soufflons la bougie indiscrète, qu'aucun souci ne nous arrête, aimons-nous jusques à la mort. Demain, ta prunelle ternie par l'amour et par l'insomnie me semblera plus belle encore. Fin de Confiance, lu par Ezoa, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Cœur de jeune fille, de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Cœur de jeune fille. Quel âge as-tu? Bientôt 16 ans. Je naquis un jour de printemps à l'heure où vint briller l'aurore. Tout semblait en fête alentour. Le rossignol chantait l'amour, la rose demandait d'éclore. Oh, beaux jours exempts de douleur! On me berçait parmi les fleurs, je m'endormais au doux murmure du zéphyr qui, rasant les champs, apprenait pour moi les doux chants qui s'envolaient de la verdure. Pourquoi ton œil est-il rêveur? Je voudrais toujours voir la fleur et le printemps passe bien vite. Je voudrais toujours des chansons et l'hiver chasse des buissons l'oiseau qui cherche un meilleur gîte. Je rêvais au fond de mon cœur un idéal tout de bonheur où le plaisir serait sans peine. Mais quand je cherche autour de moi, triste et soudain prise d'effroi, je me heurte à la vie humaine. Espères-tu trouver enfin? Je poursuis un rêve sans fin, mais si je ne puis sur la terre le voir jamais réalisé, je mourrai sans l'avoir brisé au-delà du tombeau, j'espère. Pourtant, qui sait si quelque jour je ne vais pas, grâce à l'amour, comme au printemps la fleur, renaître, si les doux propos d'un amant ne calmeront pas le tourment que mon œil bleu laisse apparaître. Fin de Cœur de jeune fille, lu par Ezoa, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Oubliez-moi, de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Oubliez-moi. Songe doux et léger, dans mon âme charmée durant des jours trop courts, hélas, pu se bercer. Délicieux instant de ma jeunesse aimée, est-il donc vrai qu'un mot ait pu vous effacer? Songe tout plein d'amour, où l'idéal sans peine prenait un nom, un corps, et vivait dans deux yeux. Céleste vision, réalité sereine qui sur terre faisait que je rêvais des cieux. Ce nom, je le disais à la brise légère qui passait, emportant le parfum de la fleur, à l'écho complaisant, à la nature entière, et je le répétais dans le fond de mon cœur. Ce beau corps, je le sens chaque jour, à toute heure, s'appuyer confiant et plié sur mon bras. Ma main pressant sa main, que bien souvent j'effleure d'un baiser plein d'amour, qui ne l'offense pas. Et ses yeux, de grands yeux qui vous pénètrent l'âme, profonds comme le ciel et doux comme un velours, je crois les voir encore me brûler de leur flamme et me dire « Je t'aime et t'aimerai toujours. » Déjà passé ce temps. Oh, ma pauvre jeunesse, qu'as-tu fait du bonheur que tu me promettais? Où donc est l'idéal dont je rêvais sans cesse, et ces deux yeux aimés, les verrai-je jamais? L'idéal s'est brisé contre la froide terre, et ces deux yeux aimés, pour d'autres, vont briller. Penche-toi, ma bouteille, à mes lèvres, mon verre. Je viens de trop penser, j'ai besoin d'oublier. Fin de Oubliez-moi,

mais des larmes que je répands, sauras-tu bien jamais le nombre? Pourtant, si le soir en chemin, te trouvant et te sachant bonne, je voulais te presser la main, n'est-ce pas, tu voudrais, mignonne? Tu sais des lueurs de tes yeux combien chaque jour je m'enivre, qu'un regard me rend tout joyeux, et qu'il me faut te voir pour vivre. Tremblant de me voir refuser, j'en sais le prix mieux que personne, si je demandais un baiser, n'est-ce pas, tu voudrais, mignonne? J'ai fait bien des rêves d'amour, mais toi seule aurais la puissance, à mes vœux te rendant un jour, de couronner mon espérance, si, te confiant mon bonheur, qui tout autour de toi rayonne, à genoux je t'offrais mon cœur, n'est-ce pas, tu voudrais, mignonne? Fin de chanson, lue par Ezoy, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Réveil, de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Réveil. Cette nuit, j'ai fait un beau songe. Je te voyais auprès de moi, et mon cœur, croyant au mensonge, s'est éveillé tout plein de toi. Te souvient-il de la cabane où nous allions mystérieux, à l'abri du regard profane, former nos projets amoureux? Je vois encore le feuillage où le soleil se tamisait, le banc rendu boiteux par l'âge et qu'un pied de lierre enlaçait. Oh, les beaux projets, ma chérie, que nous faisions là sans savoir, tendres comme une rêverie, audacieux comme l'espoir. Nos frêles châteaux en Espagne, si hauts et si vite écroulés, comme les oiseaux la campagne, peuplaient nos beaux rêves ailés. Dans mon songe trop court, qu'efface la veille sur moi retombant, nous étions à la même place, assis tous deux sur le vieux banc. Ta main, sans regrets et sans crainte, se laissa prendre par ma main, la pressant d'une douce étreinte, 100 fois je la baisai soudain. Tes yeux, humides de tendresse, disaient « Je t'aime, aime-moi bien ». Ton front avide de caresses se pencha rêveur vers le mien. Puis bientôt ta lèvre brûlante sur ma lèvre vint se poser, et je te sentis frémissante de tes bras souples m'enlacer. J'entendais contre ma poitrine battre ton cœur gonflé d'amour. Oh, dans mon extase divine, faisait-il nuit? Faisait-il jour? Étais-je au ciel ou sur la terre, sur un monde ou dans l'infini? Inexplicable et doux mystère. Mais le réveil a tout fini. Fin de Réveil, lu par Ezoy, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La pipe du vieil étudiant, de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. La pipe du vieil étudiant. Je t'aime, ô compagne fidèle, vieille pipe aux tuyaux noircis, toi qui ne m'es jamais rebelle quand il faut chasser le souci. Nous avons vu passer ensemble des jours tristes, des jours joyeux. Mon souvenir me les rassemble. Nous allons les revoir tous deux. Quand tu fus mise en ma puissance, je venais de quitter les bancs. J'avais le cœur plein d'espérance, fier de compter mes 18 ans. J'étais rêveur, un peu poète. Que d'odes je te composais. Tu fus confidente discrète des feuilletons que j'esquissais. À toi seul, dans ma chambrette, je confiais, mystérieux, le soir, le nom de la grisette sur qui j'avais jeté les yeux. Vieux souvenir que je déterre, t'en souvient-il? Oui, parlons-en. D'abord la petite lingère que j'adorais, 8 jours passants. Puis vint celle pour qui soupire mon cœur qui n'est jamais guéri. Tu sais bien, toi, qui je veux dire. Retiens longtemps son nom chéri. Oh, parle-moi de ma maîtresse, des beaux moments trop tôt passés, moments d'amour et d'allégresse que le temps n'a point effacés. Te rappelles-tu que joyeuse elle te prenait quelquefois malgré ma défense, et rieuse t'entourait de ses jolis doigts? Et sa bouche, petite et rose, à grands efforts te ranimait. Il doit en rester quelque chose. Oh, n'est-ce pas qu'elle m'aimait? Oublions et passons bien vite à l'autre, dont je tais le nom. Elle te proscrivit de suite, ma sincère amie. Oh, pardon, car tu valais 100 fois mieux qu'elle. Je maudis tous ses jours perdus et son souvenir, la cruelle. Tu ne l'aimais pas? Moi non plus. Et puis, mais parlons d'autre chose. Et puisque nous voilà tous deux, parlons de nous, et je suppose que là nous nous entendrons mieux. Avouez que parfois, ma chère, je vous gâtais trop, n'est-ce pas? Et vous avez fait bonne chère avec le meilleur des tabacs. Nous aussi, comme tout le monde, nous avons connu la splendeur. En ce temps-là, ta bouche ronde fumait beaucoup et du meilleur. Puis vinrent les jours de détresse, heures de spleen et d'embarras. Alors tu calmais ma tristesse avec le moindre des tabacs. Mais jours de gêne ou d'opulence, tu ne m'abandonnas jamais. Aussi, reçois ta récompense et sois heureuse désormais. Puisqu'ici-bas tout est fragile et que tu pourrais te briser, je t'ai fait faire, ô ma docile, un bel étui pour te caser. Pense, il me coûte 1,50 franc, c'est juste 15 fois ton prix. Mais ta robe noire et luisante maintenant vaut tous les étuis. Oh, je veux te rester fidèle, toujours, par bon ou mauvais sort. Et si nous nous quittons, ma belle, c'est que l'un de nous sera mort. Fin de La pipe du vieil étudiant, lu par Ezoie, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Moi, je ne prétends pas. De Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Moi, je ne prétends pas à la haute sagesse. Je ne connais qu'un Dieu. C'est le Dieu du plaisir. Mon unique principe est de fuir la tristesse, et vivre en liberté, mon unique désir. Je ne demande pas à la philosophie comment j'ai commencé, comment je dois finir. Au hasard du destin, gaiement je me confie, en attendant le jour qui doit tout éclaircir. Je ne sais pas jadis par quelle fantaisie, ou d'après les savants, quelle combinaison, la terre fut lancée à sa place choisie, et passe au même point de saison en saison. Je ne sais pas pourquoi je suis sur cette terre, ni quand j'en sortirai pour être on ne sait quoi. Mais je sais qu'avant tout, vive la bonne chère, que j'aime ma maîtresse, et que je suis bien moi. Les uns veulent qu'on croie à quelque être mystique qui pèse dans sa main les actes d'ici-bas. Les autres, convaincus, admettent sans réplique que l'âme après la mort ne s'envolera pas. Moi, sans chercher à voir dans cette nuit profonde, je vis suivant en tous les conseils de mon cœur. Sans remords et sans peur, je quitterai ce monde, espérant, s'il existe, en trouver un meilleur. Fin du poème, lu par Ezoie, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Nouvel an, de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Nouvel an. Encore un anneau qui s'ajoute à la longue chaîne des ans. Encore un pas fait sur la route qui s'étend entre deux néants. Route ténébreuse et fatale, qui tout à coup peut s'entr'ouvrir, et le temps de sa main brutale vous pousse et dit « Il faut mourir !» Combien de fleurs, belles encore, et dont le parfum était doux, combien qui demandaient d'éclore, ô mort victime de tes coups! Combien de bonheurs éphémères sont descendus sous l'horizon! Combien d'époux, combien de mères, n'ont pas achevé leur saison! Combien de vierges qui la veille souriaient au coquet miroir avec une bouche vermeille et qui chantaient encore le soir, le front pâli, l'œil sans lumière et déjà froides au matin, ont fait verser au cimetière des pleurs sur leur triste destin. Hélas, tes victimes sans nombre, tu les confonds en ta fureur, ô mort qui travaille dans l'ombre, qu'on ne voit pas et qui fait peur. Ne peux-tu suspendre ta rage une année, un jour, un instant? Point de calme, toujours l'orage, point de port et le flot béant. Si jamais ton âme est saisie d'un moment de pitié pour nous, épargne les miens, je te prie, va porter ailleurs ton courroux, si tu savais combien m'est chère cette famille où j'ai vécu. Mais à quoi bon cette prière, cet espoir qui serait déçu? Tout meurt et tout passe sur terre, tout fuit et tout fuit sans retour. L'avenir est le grand mystère qui nous tourmente nuit et jour. Et tout nous révèle sans cesse combien le sort est inconstant. Amis bien chers, parents, maîtresses, nous sont ravis à chaque instant. Heureusement que leur mémoire ne les suit pas dans le tombeau, et qu'en mourant, on aime à croire aux souvenirs toujours nouveaux. Ô vous tous que mon cœur vénère, si je meurs, ne m'oubliez pas. Si vous mourrez, ma vie entière, je pleurerai votre trépas. Fin de Nouvel An. Lu par Ezoie, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Je t'aime, de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Je t'aime. Tu me l'as dit souvent, souvent encore j'y pense, ce mot que maintenant nous ne connaissons plus. Tu me l'as dit souvent, et malgré ton absence, mon cœur l'entend toujours comme en ces jours perdus. Tu me l'as dit souvent le soir dans la chambrette qui nous réunissait joyeuse et plein d'amour chaque jour de l'année en un long tête-à-tête, mais qui pendant longtemps nous a paru trop court. Tu me l'as dit souvent, ta tête sur la mienne, m'enlaçant de tes bras entre un double baiser, en ces moments divins où mon âme trop pleine s'est penchée dans ton cœur souvent pour l'apaiser. Tu me l'as répété dans nos instants d'ivresse, alors qu'oubliant tout, nous ne savions qu'aimer. Tu me l'as répété chaque jour et sans cesse, ce mot si doux qui sut tant me charmer. Je te l'ai dit aussi, moi, plus souvent encore, car ces 2 ans passés me furent tout amour, et mes yeux le matin, en revoyant l'aurore, ne manquèrent jamais de maudire le jour. Et maintenant, tous deux, fuyant cette allégresse, sans comme une pensée et sans comme un bonheur, nous vivons séparés et sans que la tristesse nous vienne tourmenter et déchirer le cœur. Nous mentions donc tous deux, quand nous disions « je t'aime », et la glace fondait sous nos baisers de feu, et dans nos entretiens et dans nos transports même, la voix seule disait et le cœur sentait peu. Oh, pourquoi renier ce bonheur éphémère? Pour être disparu, n'insultons pas ces jours. Le soleil a-t-il moins répandu de lumière parce que la nuit vient interrompre son cours? Fin de « Je t'aime », lu par Ezoie, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Sonnet de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Sonnet. Quand tu ris le matin au gracieux miroir qui te dit caressant « Ta lèvre rose est belle, tes longs cheveux sont beaux, et l'on ne saurait voir plus 12 yeux que tes yeux. » Moi, je pleure, fidèle. Quand sur ton divan bleu, nonchalante, le soir, tu rêves pour demain quelque fête nouvelle, moi, dans ma chambre, seule, sans but et sans espoir, je pleure de te voir si belle et si cruelle. Quand dans un songe d'or, l'idéal amoureux vient te bercer au son de propos langoureux et déroule à tes yeux une joie infinie, moi que l'idéal fuit, moi triste et malheureux, et que poursuit toujours l'implacable insomnie, je verse sans compter les larmes de mes yeux. Fin de sonnet, lu par Ezoie, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chanson de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Chanson. Moi, la naïve et l'innocente, j'ai pourtant un secret au cœur, et ce secret qui me tourmente fait en même temps mon bonheur. Ma voix le confie à la brise qui va le dire au lilas, mais ici que je vous le dise, n'y comptez pas, n'y comptez pas. Au matin, dans l'alcôve blanche, quand le jour pénètre joyeux, parfois il voit mon front qui penche et des pleurs briller dans mes yeux. Mais aussi combien l'espérance sème de roses sous mes pas. Savoir ma joie ou ma souffrance, n'y comptez pas, n'y comptez pas. Cependant, à qui l'a fait naître, si je puis un jour m'en ouvrir, je lui ferai sentir peut-être que j'en dois vivre ou dois mourir. Et si je reconnais, ravi, que mon secret était le sien, je lui dirai « C'est pour la vie. Comptez-y bien, comptez-y bien. » Fin de « Chanson » lu par Ezoie, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Prise de la Bastille, de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Prise de la Bastille. 89. C'était toujours la barbarie, et le peuple marchait en traînant un boulet, sans liberté d'un jour et n'ayant pour patrie que le champ qu'il creusait à son joug attelé. Et ce sol qu'il fouillait de ses mains sans relâche ne poussait pas pour lui ses épis de froment. Esclave irréfléchi de l'éternelle tâche, il travaillait sans but, sans espoir, sans paiement. Il mangeait du pain noir, dérision amère, le riche fainéant dans son château doré récoltait seul les fruits de la commune mère et rouait le manant s'il avait murmuré. Il n'avait pas le droit de protéger sa fille, et si quelque seigneur la trouvait à son goût, le seigneur la prenait. Qu'importait la famille? C'était le bon plaisir du maître, et c'était tout.

Vieux souvenir, de frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Vieux souvenir. J'ai tant versé de larmes, j'ai si longtemps souffert, qu'un jour, lorsque mon cœur à tes yeux s'est offert, saignant sous le couteau de sa douleur amère, étant bonne avant tout, tu m'as pris en pitié et voulu consoler d'une douce amitié, ainsi que l'aurait fait ou ma sœur ou ma mère. Mais bien en vain, hélas, où ma mère ou ma sœur aurait pensé calmer le flot envahisseur qui m'emportait meurtri dans l'affreuse tourmente, et pour mettre une digue à mes pleurs apaisées, il fallait ton regard, de doux mots, des baisers, et les frémissements de la main d'une amante. Tu l'as compris, ami, et te penchant vers moi, je te vis, n'osant presque y croire et plein d'émoi, essuyer dans tes cils une larme bénie, et ta voix, timbre d'or, me murmura tout bas. Enfant, qui crois souffrir seul et qui ne voit pas qu'on se meurt avec lui d'une même agonie. J'entendis, à demi, bien d'autres mots encore, et je vis l'avenir comme un riche décor, et je crus posséder le secret de la vie. Mais le bonheur fut vité, depuis, oublié, sous le même fardeau je vais toujours plier, car jusqu'en tes rigueurs mon regret t'a suivi. Il ne faut qu'un éclair pour révéler les cieux, de même pour le cœur. Un jour délicieux, un seul instant d'amour charme une existence, et tu me l'as donné, toi, ce suprême instant. Et moi qui souffre tant, et moi qui pleure tant, j'éprouve du bonheur dans ma douleur intense. Pour revivre ce jour, je veux fermer les yeux. Te chérissant de loin, je te chérirai mieux, car l'esprit n'est jamais rassasié d'extase. Avec la même ardeur toujours je t'aimerai, et veux mourir avec mon beau rêve éthéré, qui flotte autour de moi, plus subtil que la gaze. Poète, dans mes vers j'évoquerai ton nom, le bénissant toujours, car si l'espoir dit non, le souvenir dit oui, le souvenir fidèle. À ceux qui me plaindront ou qui m'auront blâmé, je dirai simplement « Avez-vous donc aimé? Êtes-vous donc poète? Êtes-vous digne d'elle ?» Fin de Vieux souvenirs, lu par Ezois, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Viens, de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Viens. Puisque j'aspire à toi, puisque, soumise et tendre, dans la moindre parole et la moindre action, je te l'ai fait souvent deviner ou comprendre, et que tu n'as point ri de mon attention. Viens, la brise a soufflé dans la nuit embaumée. Pour la mieux parfumer, livre-lui tes cheveux. Je veux me perdre seul, avec ma bien-aimée, de peur qu'un œil jaloux ne gêne ses aveux. Seul, j'entendrai le bruit de ta voix séduisante, et quand tu me diras « Je t'aime », à tes genoux, je me prosternerai l'âme reconnaissante, et je te bercerai des propos les plus doux. Mais non, bien trop ému pour peindre mon ivresse, les mots s'arrêteront dans mon gosier serré. Alors, t'enveloppant d'une longue caresse, je ne te dirai rien. Rien, et je pleurerai. Nous arrachant enfin à l'étreinte muette, lentement, et les yeux fixés sur tes grands yeux, je te ramènerai vers ta mère inquiète, qui t'attend sur le seuil, le regard anxieux. Toi, pour la rassurer, la tête un peu baissée, et confuse et songeant au baiser du chemin, dont ta pudeur pourtant n'était point offensée, tu lui diras mon nom en me tendant la main. Je prendrai cette main pour y coller ma lèvre, et je m'avancerai, le cœur battant bien fort, et ta mère, en voyant ton amour et ma fièvre, saura nous pardonner à tous deux, sans effort. Alors j'aurai le droit, ma belle fiancée, de te dire tout haut ce qu'il fallait cacher, et de te faire lire au fond de ma pensée sans peur des yeux jaloux ou de t'effaroucher. Fin de Viens, lu par Ezois, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Dernière nuit de Malfilâtre, de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Dernière nuit de Malfilâtre. La Muse. Ami, réveille-toi, car même dans tes songes, te poursuit sans pitié ton immense douleur. la douce illusion de ces brillants mensonges ne vient plus t'égayer ni caresser ton cœur. Oh, comme il semble triste, ami, ce cœur que j'aime. Dis, te rappelles-tu nos beaux jours d'autrefois, alors que sur ton front, posant un diadème, je me penchais sur toi? Tu tremblais à ma voix, mais c'était de bonheur. Aussi, comme à ta mère, tes yeux me souriaient, aucune larme amère n'avait pu sur ta joue encore creuser son pli. J'étais ton égérie, et si quelque souffrance, bien faible, n'est-ce pas, ridait ta fraîche enfance, je n'avais qu'à paraître, et j'apportais l'oubli. Pourquoi ne viens-tu pas me caresser encore? Pourquoi ne viens-tu pas me conter tes douleurs? Si vite on les oublie à l'âge où l'on adore, et le moindre plaisir efface tant de pleurs. Le poète. Oh, c'est donc toi, mon bon génie? Muse, amante chaste et bénie, en te voyant je suis heureux. Pourquoi donc me quitter sans cesse, si tu savais quelle tristesse, quand tu fuis, fait pleurer mes yeux? La Muse. Tu m'as donc reconnue? Eh bien, suis-je moins belle? Mon front est-il moins pur? Mon œil est-il moins doux? Mes baisers sont-ils froids sur ta bouche cruelle? Enfant, viens dans mes bras, viens, je t'aime, aimons-nous. Le poète. Répète-moi bien que tu m'aimes encore, encore. Dans un baiser, je nargue les destins eux-mêmes, je sens ma douleur s'apaiser. La Muse. Pourquoi gémir ainsi, quand l'ardente jeunesse circule dans ton sang et demande l'amour? Pourquoi noyer ta vie en des flots de tristesse, à l'accent du plaisir qui te fait rester sourd? Le poète. Enfant, je connaissais deux choses, l'insouciance et le plaisir. Beau rêve parfumé de roses, beau temps regretté du désir. Heureux sans crainte de misère et joyeux sans savoir pourquoi, souriant toujours à ma mère, toujours veillant autour de moi. Adolescent, j'ai dans mon âme caressé la gloire et l'amour, lançant ma poétique flamme, rêvant d'une ombre tout un jour. Croyant sur la trace d'Orphée par mes chants monter jusqu'aux cieux. Le soir, près d'une douce fée, oubliant tout pour ses beaux yeux. Homme, j'ai chassé l'espérance qui seule avait pu m'inspirer, et, comme en un dédale immense, j'ai vu ma raison s'égarer. La réalité dans sa glace a figé mes illusions, et j'ai vu germer à leur place les amères déceptions. J'ai vu toute l'hypocrisie qui règne au fond du cœur humain, j'ai vu l'ingrate jalousie acérer son stylet hautain. Des écrivains nés pour la gloire, jeter au vent leur liberté, et tirer de leur écritoire des mots salis de lâcheté. Et moi, dont la plume sans haine est vierge de mensonges encore, moi que vers la honte n'entraîne la soif de la gloire ou de l'or, abandonné, seul sur la terre pour me consoler de souffrir. Comment veux-tu que l'on espère alors qu'on désire mourir? La Muse. Oui, le monde est ingrat. Mais le cœur du poète est fait pour mépriser l'injustice ici-bas. Car jusque dans les cieux il balance sa tête, et les coups des mortels n'atteignent que ses pas. Souviens-toi que le Tasse, accablé de souffrance, quand d'obscurs détracteurs le frappaient à loisir, noyant cette trahison dans son génie immense, souriait en plaignant leur malheureux plaisir. Et puis, pour le venger de la sottise humaine, le poète doit croire à la postérité. Et ceux qui sont en butte à la plus grande haine, souvent sont les plus sûrs de l'immortalité. Espère, espère donc. D'ailleurs, tout en ce monde doit parcourir sa phase avant de se flétrir. Tout avant son hiver a sa saison féconde, et l'homme doit jouir avant que de mourir. Il est vrai qu'au printemps, l'on voit parfois la bise souffler en gémissant comme au temps de l'hiver. Mais bientôt la remplace une légère brise. Le soleil d'aujourd'hui chasse le froid d'hier. Le poète. Tu dis vrai. Mais tous en ce monde n'ont pas une égale saison. Et quelquefois, la plus féconde s'efface sans transition. Mon printemps a passé bien vite, laissant à peine un souvenir. Et le froid hiver à sa suite est accouru pour le ternir. Quand vient le frimas, la nature espère en un printemps nouveau. Mais l'homme, après sa saison pure, ne songe plus qu'à son tombeau. Pourtant, l'idée est consolante de posséder un avenir où la vérité triomphante honorera mon souvenir, où la jalousie et la haine auront épuisé leur fureur, où la justice, souveraine, n'insultera plus la douleur. Peut-être qu'une âme sensible, songeant à mes malheurs passés, vengera d'une main terrible tous les pleurs que j'aurai versés. Et maintenant, ô muse, ô je te vois plus belle, ton front est toujours pur, tes yeux sont toujours doux, ma bouche à tes baisers ne sera point rebelle. Muse, viens dans mes bras, viens, je t'aime, aimons-nous. » Fin de « Dernière nuit de Malfilâtre », lu par Ezoie, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Comme un torrent, de frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Comme un torrent qui passe et ne laisse après lui qu'une lugubre trace, ainsi le plaisir fuit. Mais tant que la jeunesse peut nous le présenter, profitons-en sans cesse pour le mieux regretter. Et si quelque robe noire vient pour vous parler de l'enfer, gardez-vous bien surtout d'y croire. L'ennui, c'est le seul Lucifer. Pour moi, sitôt que le vin coule, narguant le passé, l'avenir, je crois que le moment ne doit jamais finir et méprise joyeux les propos de la foule. Mes amis, croyez-moi, si l'ennui vous dévore ou si vous ressentez quelque profond chagrin, buvez pendant le jour, la nuit buvez encore, vous n'y songerez plus quand viendra le matin. Versez-vous en chantant le fond de la bouteille, narguez dans vos couplets les discours des censeurs, le vin donne une verve à nul autre pareille, versez tant qu'il en reste, et versez des meilleurs. Aspirant lentement une blanche fumée, égarez dans ses plis la gênante raison, et quand vous sentirez votre douleur calmée, tombez entre les bras de Margot ou Susan. » Fin du poème, lu par Ezoie, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Jadis, de frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Jadis. Oh, comme je t'aimais! Mon cœur bat quand j'y pense. Un regard de tes yeux me faisait tressaillir. Je ne voyais que toi dans l'avenir immense. Et je ne songeais pas que l'on pût me trahir. Oh, comme je t'aimais, quand, assis sur la mousse, t'attirant doucement, je te pressais la main, nous tremblions tous deux d'une émotion douce, et je ne songeais pas aux regrets inhumains. Oh, comme je t'aimais, un soir, bonheur suprême, ta bouche se surprit dans un baiser d'amour à murmurer tout bas à ma bouche, « Je t'aime », et je ne songeais pas à t'en pleurer un jour. Oh, comme je t'aimais, chaque fois que ma lèvre buvait la volupté sur ta lèvre de sang, je me sentais dans l'âme un transport plein de fièvre, et je ne songeais pas à l'oubli méprisant. Odie, t'en souvient-il des longs regards de flamme, des serrements de main, des baisers échangés? De nos pauvres amours vous souvient-il, madame? Hélas, vous oubliez, et les temps sont changés. Sais-tu bien seulement que j'aime et souffre encore? Que je soupire après ces bonheurs disparus, que mon chagrin muet me ronge et me dévore? À quoi bon, maintenant que vous ne m'aimez plus? Vous êtes belle, riche et partout enviée, vos robes vous vont bien, vous dansez à ravir, à chaque bal nouveau vous êtes conviée, et savez chaque fois davantage éblouir. Mais songez-y, le temps qui jamais ne se lasse de poursuivre sa proie et la saisit toujours, t'enlèvera d'un coup la jeunesse et la grâce, adieu le bal, adieu les fêtes, les amours. Alors, en remontant le fleuve de ta vie, reprenant un à un les rêves envolés, tu te rappelleras, peut-être encore ravi, mes caresses d'antan, nos beaux jours écoulés. Et songeant tristement au plaisir vain du monde, vieille aux cheveux tout blancs, tu te reposeras sur ces instants si doux où, fraîche rose et blonde, tu te laissais tomber en riant dans mes bras. » Fin de Jadis, lu par Ezoie, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Vieilles amours, de frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Vieilles amours, sonnet. Longtemps je l'ai maudite en l'appelant frivole. Je voulais l'oublier pour n'y penser jamais. Je comptais sur le temps qui, dit-on, nous console. J'espérais dire un jour, alors que je l'aimais. Je te reniais donc, ô toi qui me charmais lorsque j'avais 20 ans, jolie, aimante et folle, et je te croyais loin de mon cœur désormais, parce que je vieillis et que le temps s'envole. Hier, je t'ai revue et redeviens enfant. Ce cœur qui semblait mort palpite comme avant. Je retourne à 20 ans. Comme à 20 ans, je t'aime. Malgré tout, je le sens, je t'aimerai toujours, car songeant au passé, je suis heureux quand même, et mes vieilles amours sont de jeunes amours. Fin de Vieilles amours, lu par Ezoie, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Sur une ruine, de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Sur une ruine, sonnet. De tes fastes d'antan, nul n'a gardé mémoire, ni les inscriptions, ni le vieux parchemin. Ton haut donjon massif, fait de ciment romain, entre ses quatre murs, renferme ton histoire. Mais en apercevant ta silhouette noire, ignorante d'hier, sans souci de demain, le voyageur pensif qui s'arrête en chemin imagine pour toi de longs siècles de gloire. Qui donc nous redira ta lointaine épopée? Les assauts furieux, les vaillants coups d'épée, la chanson du vainqueur et les cris du vaincu. Que de sang généreux dut couler dans ta place, que de morts entassés. Tandis que l'homme passe, son œuvre lui survit, témoin qu'il a vécu. Fin de Sur une ruine, lu par Ezoie, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chanson de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Chanson. Rossignol, ta chanson est belle. Veux-tu m'apprendre ta chanson? Pour que je la répète à celle qui m'a fait perdre la raison. Veux-tu me prêter ta voix tendre pour lui dire tout mon amour? En prenant plaisir à m'entendre, elle pourrait m'aimer un jour. Rose, que va pleurer l'abeille? Je sais qu'elle aime ton carmin. Veux-tu ce soir dans sa corbeille aller mourir pour que demain, de ta corolle un peu fanée, s'exhale un parfum du baiser que ma lèvre passionnée, pour elle, vient d'y déposer? Brise, tu dois aller vers elle et caresser ses blonds cheveux. Veux-tu sur le bout de ton aile prendre en passant mes plus chers vœux? Et si tu vois son âme émue et des pleurs mouiller ses beaux yeux, ô Brise, sois la bienvenue en me rapportant ses aveux. Fin de chanson, lu par Ezoie, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Sonnet de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Sonnet, traduit de l'espagnol. Vos yeux bleus sont charmants, comtesse, et pleins de flammes. Plus d'un beau papillon s'y brûle chaque soir. Et, sans peur de Satan, je gagerai mon âme que chacun, en sortant, emporte un vague espoir. Vous souriez de tous devant votre miroir. Vous n'en plaignez aucun. Vous avez tort, madame. Un amour véritable est si facile à voir, et les espoirs déçus peuvent tourner au drame. Parfois le malheureux, lassé de tant souffrir, raisonne qu'après tout, mieux lui vaudrait mourir, et va chercher l'oubli dans quelque cimetière. Je vous ai vu, hélas, et devant vos grands yeux, j'espère aussi, de moi vous ferez un heureux, ou vous ferez un mort, si cela peut vous plaire. Fin de Sonnet, lu par Ezoie, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Sonnet impromptu, de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Sonnet impromptu. Si j'étais beau comme Apollon, à vos pieds je voudrais, madame, sous l'égide de Cupidon, vous offrir ma vie et mon âme. Si la gloire cherchait mon nom, je voudrais, fuyant sa réclame, pour mieux vous affirmer ma flamme, à vos pieds, en faire abandon. Si je possédais la richesse, je voudrais encore, ô déesse, à vos pieds mettre mon trésor. Mais je n'ai rien que ma tendresse et la souffrance qui m'oppresse, et les mets à tes pieds encore. Fin de Sonnet impromptu, lu par Ezoie, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Sonnet de Frivolité de Jean Brumaire,